Chapitre 7. À l'abbé. Son secret découvert, son incognito essentiel percé, sa vanité piquée au vif, tout cet édifice d'art et de subtilité laborieusement construit qui, hier encore, lui paraissait mettre un mur inviolable entre le loup solitaire et le monde, aujourd'hui démantelé et gisant en ruine à ses pieds. Lagnard ne s'attarda pas en lamentations inutiles ni en regrets d'aucune sorte. Il avait trop à faire avant le matin. D'abord à déterminer aussi précisément que cela se pourrait sans danger, qui avait sondé son secret et par quels moyens. Ensuite, à évaluer quelle chance il lui restait de poursuivre sa carrière, sans danger de catastrophe. Et enfin, si l'enquête vérifiait ses pronostics, lesquels étaient les plus sombres, à se retirer en bon ordre, avec tous les honneurs de la guerre, de ce périlleux champ de bataille. Sans plus attarder que juste le temps de refaire ses plans dérangés par les découvertes de ce mauvais dernier quart d'heure, il éteignit l'électricité et sortit par la porte de la cour. Car il était à la rigueur possible que ceux qui avaient eu la cruelle facétie de se nommer eux-mêmes la meute eussent posté des émissaires dans les rues pour suivre leurs confrères en crime. Et à cette heure, plus que jamais, Lagnard désirait fortement aller son propre chemin sans être vu. Ce chemin lui fit d'abord passer sans bruit devant la porte de la loge et traverser la cour jusqu'au vestibule d'entrée du corps de bâtiment principal. Par bonheur, il n'y avait pas de lumière pour le trahir, même si quelqu'un avait été éveillé. Car les notions d'économie parisienne veulent que les meilleurs immeubles de rapport eux-mêmes ne possèdent pas de garçon d'ascenseur, ni de ces lumières qui vous brûlent du bon argent à toute heure de la nuit. En pressant un bouton à côté de la porte d'entrée néanmoins, Lagnard eut pu se procurer de la lumière au palier durant 5 minutes, c'est-à-dire assez longtemps pour permettre à un locataire de retrouver sa porte et de l'ouvrir. Au bout de cet intervalle, les lampes s'éteignaient automatiquement. Ou bien, en pénétrant dans une boîte étriquée, à peu près de la dimension d'un honnête cercueil, et en pressant un bouton portant le numéro de l'étage auquel il voulait s'arrêter, il aurait pu être confortablement monté, sans autre trace d'intervention humaine. Mais par prudence, il n'usa pas de ses commodités. À pied, et dans une obscurité complète, il effectua l'ascension des 5 étages par un escalier tournant jusqu'à la porte d'un appartement situé sur le 6e palier. Là, l'éclair d'une lampe de poche lui montra le trou de la serrure. La clé tourna sans bruit. La porte vira sans grincer sur ses gonds huilés. Une fois à l'intérieur, l'aventurier s'avança plus librement, avec moins de précautions contre le bruit. Il était en terrain connu, et seul, l'appartement bien que meublé, était inhabité et devait le rester aussi longtemps que Lagnard continuerait à payer le terme de Londres sous un nom d'emprunt. Bref, c'était la commodité de ce refuge et de cette ligne de retraite qui lui avait dicté le choix du rez-de-chaussée, car l'appartement du 5e possédait ce privilège inestimable, une fenêtre de niveau avec le toit de l'immeuble voisin. 2 minutes d'examen suffirent à le convaincre. La meute n'avait pas pénétré. 5 autres minutes plus tard, Lagnard crochetait la serrure quelconque d'une porte ouvrant sur le toit d'une maison de rapport située au coin du pâté de maison, descendait en bas, frappait à la porte du concierge, modulait le traditionnel « sésame ouvre-toi de Paris », cordon s'il vous plaît, et se voyait mis en liberté sur la rue par un digne gardien trop endormi pour s'enquérir de l'identité de ce sortant tardif. Il dépassa 3 pâtés de maison, arrêta un taxi et au bout d'un quart d'heure était déposé à la gare des Invalides. Traversant la gare sans s'arrêter, il s'enfonça dans les rues à pied, suivant le boulevard Saint-Germain jusqu'à la rue du Bac. Une courte marche le long de cette voie désuète l'amena jusqu'à une vaste porte cochère, non gardée, ouvrant sur une cour entourée d'antiques et vétustes bâtiments. Quand il se fut assuré que la cour était déserte, Lagnard alla à une porte sur la droite, laquelle, à son signal, s'entr'ouvrit aussitôt avec un déclic de peine. En même temps, l'aventurier tira de son pardessus un loup de velours noir et l'ajusta sur son visage pour en cacher le haut. Puis, pénétrant dans un corridor étroit et malodorant, dont une unique bougie accentuait aussitôt l'obscurité, il tourna la poignée de la première porte rencontrée et s'avança dans une petite pièce à peine meublée. Un jeune homme, d'aspect malingre, qui lisait sur un pupitre, à la lueur d'une lampe à pétrole voilée par un grand abat-jour vert, se leva et salua poliment. « Bonjour, monsieur, » dit-il avec la familiarité de quelqu'un qui retrouve une ancienne connaissance. « Veuillez vous asseoir. ajouta-t-il en désignant un fauteuil auprès du pupitre. « Il y a longtemps qu'on a eu le plaisir de vous voir, monsieur. »« C'est vrai, » fit Lania en s'asseyant. Le jeune homme l'imita. Au-dessous de la pénombre verdâtre de l'abat-jour, la clarté de la lampe, en frappant son visage, révéla une physionomie de type hébraïque. « Monsieur a quelque chose à me montrer, n'est-ce pas ?»« Mais bien entendu. » La réplique de Lagnard décelait un brin de sécheresse, comme qui dirait « Que pensiez-vous donc ?» Il était intrigué de voir sur la mine du jeune homme une expression singulière et nouvelle, une ombre de réserve et de gêne. Ils s'étaient rencontrés de temps à autre depuis plusieurs années, effectuant leurs transactions secrètes et illégales selon un rite inventé par Bourque et religieusement suivi par Lagnard. Une lettre ou un télégramme de contenu innocent à première vue, adressé à un certain membre d'une importante maison de joaillerie d'Amsterdam, préludait invariablement à des entrevues comme celle-ci, lesquelles réunissaient invariablement dans le même lieu, à une heure quelconque entre minuit et l'aube, d'une part ce jeune juif intelligent, instruit et bien élevé, et d'autre part le voleur masqué. De la sorte, le loup solitaire se débarrassait de son butin, ou à tout le moins du plus gros de celui-ci. D'autres voies lui étaient également ouvertes, mais aucune aussi sûre. Et avec aucun autre receleur d'objets volés, il ne pouvait espérer faire d'aussi bons et fructueux marchés. Il va sans dire que dans le cours de cette association prolongée, bien que chacun restât dans l'ignorance de l'identité de son partenaire, tous deux avaient fini par savoir qu'ils se connaissaient fort bien l'un l'autre. Assez souvent, leur affaire réglée, Lagnard s'attardait une heure avec l'employé à bavarder en fumant des cigarettes, et le piquant de la situation les stimulait peut-être un peu tous les deux, car le jeune juif était le seul homme qui eût jamais consciemment rencontré face à face le loup solitaire. Pourquoi donc cette gêne soudaine et cet embarras de la part de cet employé? Les pupilles de Lagnard se contractèrent d'inquiétude. Sans mot dire, il tira de sa poche un écrin de maroquin et le tendit à l'hébreu. Puis il se laissa aller dans son fauteuil, en une pose nonchalante, mais l'esprit sur ses gardes, tout comme sa main, qui dans la poche de son par-dessus caressait la crosse d'un revolver. Le juif, ayant pris l'écrin avec une légère inclination, pressa le ressort et le contenu apparut. Mais l'opulence du trésor ainsi mis au jour ne parut pas le surprendre. Et d'ailleurs, il avait plus d'une fois, et sans plus de cérémonie, été mis en présence de butins encore plus précieux. S'ajustant dans l'orbite une loupe de bijoutier, il souleva les joyaux l'un après l'autre et les examina sous la lampe. Puis, le dernier remis en place, il referma le couvercle, se tourna vers Lagnard d'un air pensif et allait parler, mais préféra se taire. « Eh bien ? » fit l'aventurier avec impatience. « Ce sont là, je parie, reprit l'hébreu d'un air distrait, en tapotant l'écrin, les bijoux de Madame Humbert. » « Vous avez bien deviné, » reprit Lagnard avec bonhomie. « Je le regrette, » prononça l'autre gravement. « Hein ? » ?»« Oui, il est très fâcheux. » « Puis-je savoir ce qui est fâcheux ?» Le juif haussa les épaules et du bout des doigts repoussa doucement l'écrin vers le visiteur. « J'en suis bien désolé, monsieur, » reprit-il, « mais je n'ai pas le choix dans cette affaire. En tant que délégué de mes patrons, j'ai reçu l'ordre de ne pas vous acheter ces marchandises. » « Pourquoi cela ?» Nouveau haussement d'épaule, accompagné d'une grimace d'excuses. « C'est difficile à dire. On ne m'a pas donné d'explication. J'ai simplement reçu l'ordre de venir à ce rendez-vous, comme d'habitude, mais de vous avertir qu'il sera impossible à mes patrons de continuer leur relation avec vous tant que vos affaires demeureront dans leur état actuel. »« Dans leur état actuel ?» répéta Lagnard. « Qu'est-ce que cela signifie, je vous prie ?»« Je l'ignore, monsieur. Je ne puis que vous répéter ce qu'on m'a dit. » Au bout d'un instant, Lagnard se leva, prit l'écrin et le remit dans sa poche. « Fort bien, » dit-il tranquillement. « Vos patrons, comme de juste, se rendent compte que ce geste coupe court définitivement à nos relations et ne se bornent pas à les interrompre simplement à leur fantaisie. Je suis navré, monsieur, mais il faut croire qu'ils ont songé à tout. Je n'ai pas la moindre autorité dans cette affaire. Vous le comprenez, j'espère. » « Oh, très bien. » admit négligemment Lagnard. « Bonne nuit, mon ami, » ajouta-t-il en tendant la main. L'hébreu la lui accorda cordialement. « Bonne nuit, monsieur, et la meilleure chance. » Il y avait dans ces derniers mots un sous-entendu que Lagnard ne prit point la peine de chercher à démêler. Sans nul doute, Cet homme en savait plus qu'il ne voulait le reconnaître. Et l'aventurier se dit qu'il pouvait aisément suppléer beaucoup de ce que l'autre s'était trouvé obligé de garder pour lui. D'un côté quelconque, on avait influencé cette très honorable firme de joaillier d'Amsterdam pour les amener à cesser leurs relations clandestines avec le loup solitaire, aussi profitable qu'elle dût s'être. Lagnard se croyait à même de désigner le côté d'où cette pression était partie. Mais avant d'aller plus loin ou d'en venir à quelques décisions graves, il désirait savoir avec certitude quels gens étaient montés contre lui et quelle dose d'importance il convenait d'attacher à leur hostilité. S'il échouait, ce serait la faute de ses adversaires et non la sienne, par défaut de bonne volonté, à se rendre à leur invitation. Bref, il ne songea pas un instant à abandonner sans lutte sa règle sévère d'isolement ni sa carrière de prédilection. Mais il ne voulait pas combattre en aveugle. Il brûlait de colère non moins que de dépit. Et c'était presque inévitable, chez un homme qui, si longtemps autorisé à suivre son chemin sans obstacle, se trouvait tout d'un coup en quelques heures amené à un tournant brusque, acculé et menacé de tous côtés par des dangers et des ennemis inconnus. Désormais, il ne se souciait plus d'être épié, et le fait même que, à ce qu'il pouvait voir, il ne l'était pas, ne faisait qu'ajouter à son ressentiment, car il y voyait la preuve que la meute le jugeait aux abois, sans autre alternative que de se soumettre à sa volonté. Avisant le premier taxi qui passait, Lagnard cria au chauffeur, à l'abbaye de Télène, puis, s'enfermant dans le véhicule, s'abandonna aux plus amères réflexions. Mais lorsqu'il descendit, ses traits n'en gardaient aucune trace. Il franchit avec un air d'aimable insouciance les portes de cet établissement de gala, dont le plus glorieux, et voire le seul, titre de renommée est de ne jamais ouvrir ses portes avant minuit, ni de les fermer avant le jour. Tous ses mouvements s'étaient succédés avec une telle promptitude depuis son entrée dans l'appartement de la rue Roger, qu'il n'était alors que 2 heures à peine, heure où l'animation atteint son apogée dans ce lieu prétendu le plus chic de Paris. Un aventurier moins blasé eût été fier du respect cordial que lui manifesta le maître d'hôtel, cet arbitre des élégances. « Ah, voici Monsieur Lagnard. Il y a bien longtemps que nous n'avions eu ce plaisir, monsieur. Mais je vous ai néanmoins réservé une table. »« Vraiment? Vous m'en avez réservé une? Pouvais-je faire autrement, après avoir reçu votre honorée lettre ?»« Non, répliqua Lagnard impassible. Non, évidemment, si vous tenez à votre réputation. »« Monsieur est seul ?» fit l'autre d'un ton désappointé. « Pour l'instant, en effet. »« Alors, par ici, je vous prie. » Dans le sillage du fonctionnaire, Lagnard traversa cette triste antichambre où les consommateurs peu recommandables sont parqués à l'écart en compagnie du corps des figurantes et bacchantes tarifées. Il parvint au grand restaurant, le sanctuaire réservé auquel aspire avec tant de ferveur l'âme naïve de l'anglo-saxon en mal de voyage. La salle, en forme d'octogone irrégulier, n'était pas très grande. Des banquettes s'alignaient tout autour, derrière une rangée de tables pressées. Elle était mieux éclairée que la plupart des restaurants parisiens, c'est-à-dire de façon moins aveuglante, mais odieusement mal ventilée. Et dans l'espace libre, réservé au milieu du parquet, une poignée de jeunes danseuses professionnelles, dont le corps étiolé, se vêtait plus ou moins de costumes voyants, se trémoussaient avec toute l'allégresse qu'on peut attendre d'un salaire de 5 francs par nuit chacune. Des troupes d'anglo-saxons et de français, dans la proportion de 5 des premiers contre 1 des seconds, occupait les tables, servies par une troupe de garçons à l'air apathique et ennuyé. Un orchestre de violons se démenait sans arrêt, et sur l'estrade, une espèce de nègre épanoui de suffisance scandait et chantait « En attendant le rebellie !» Lagnard se laissa caser derrière une table, commanda du champagne, non parce qu'il en désirait, mais parce que l'étiquette le voulait ainsi, étouffa un bâillement, alluma une cigarette et passa en revue l'assemblée d'un coup d'œil nonchalant mais attentif. Il ne vit que la société de chaque nuit, car même hors de saison, il y a toujours assez de gens de langue anglaise dans Paris pour que l'abbaye de Télène puisse rester ouverte avec profit. D'abord, l'assortiment inévitable de couples mariés, accompagnés d'amis, où les hommes plaisantaient et se demandaient si par hasard tout cela ne semblerait pas moins dénué d'intérêt s'ils étaient seuls et libres de leurs mouvements, où les femmes s'efforçaient de paraître à leur aise, avec plus ou moins de succès, car toutes sans exception étaient rouges de gêne, puis le lot de demi-mondaines, nullement humiliées de leur état social. Le petit nombre de gens, qui, ayant amené avec eux leurs distractions, s'amusaient comme ils l'auraient fait partout ailleurs, et enfin, ça et là, quelques vulgaires ivrognes en habit de soirée. Nulle part un visage que Lagnard reconnut positivement, ni M. Bannon, ni M. le comte Rémy de Morbihan. Cette circonstance, toutefois, lui inspira plus d'agacement que de surprise. De Morbihan se montrerait sans nul doute en temps voulu. Jusque-là, il était ennuyeux de devoir attendre et subir ce martyre d'ennui. Il dégusta son vin un petit coup, sans plaisir, en songeant au seul fait accessoire que lui causait quelque étonnement, à savoir qu'on le laissait strictement à lui-même, chose qui n'arrive guère aux hommes seuls, à l'abbaye. Évidemment, ordre avait été donné de l'épargner. En temps normal, il en eût été bien aise. Cette nuit, au contraire, cela l'irritait, car un tel isolement le faisait remarquer. Le divertissement orgiaque déroulait son programme rituel comme sur commande. On baissa les lumières afin de donner une atmosphère plus mélodramatique pour cette nouveauté palpitante. La danse apache. Le nègre braillait de toutes ses forces. Les danseuses se démenaient vaillamment sur leurs pauvres pieds harassés. Un insupportable nain, en habit miniature, allait de table en table, tâchant de soutirer un franc par-ci, un franc par-là. Mais le regard de Lagnard l'intimida et il n'osa s'approcher. Des laquais faisaient le tour, offrant à chaque convive une poignée de légères balles de celluloïdes en couleur destinées à bombarder les voisins. L'inévitable Anglais à l'air honteux s'esquivait à la remorque d'une Française à toilette extravagante qui minaudait dans l'orgueil de sa conquête. L'également inévitable alcoolique était extrait de dessous sa table et jeté dans un fiacre. Une Américaine voulait à tout prix monter sur sa table pour danser, mais titubait, et il fallait la faire descendre, riant comme une folle. Cependant, on débarrassait le parquet pour le numéro d'une danseuse espagnole. Cela consistait à chanter quelques couplets où personne ne comprenait rien et à compléter chaque refrain en s'élançant à l'assaut de la chevelure de quelques convives mâles, selon le cas surpris, scandalisé ou flatté. Entre autres, Lagnard, qui se soumit sans résistance. Et alors, comme il s'apprêtait justement à envoyer au diable la meute qui lui infligeait un châtiment aussi cruel et inhumain, l'Espagnol se faufila parmi la foule des danseurs qui profitaient de sa retraite pour envahir le parquet et vint se poster devant la table du jeune homme. « Tu n'es pas fâché, mon coco ? » fit-elle avec un sourire séducteur. Lagnard lui répondit par un autre sourire négatif. « Alors, tu m'offres une coupe de champagne ? Je peux m'asseoir auprès de toi ? Tu ne vois donc pas que je t'ai gardé presque toute la bouteille ?» La fille s'installa bien vite sur la chaise en face de l'aventurier. Il lui versa un verre. « On n'est donc pas gai ce soir ? » demanda-t-elle en le regardant par-dessus le bord du verre qu'elle dégustait. « Je réfléchis, » répliqua-t-il. « Et à quoi réfléchis-tu ? » « Je suis désolé de constater la faiblesse de mes compatriotes, ces Américains qui n'ont pas de cesse dans Paris, tant qu'ils n'ont découvert un endroit plus assommant qu'on en trouve dans tout Broadway, ou ces Anglais qui adorent le beau Paris, simplement parce qu'ils peuvent continuer d'y boire en public après minuit. « Ah, c'est la barbe alors !» dit la fille en faisant le geste de frotter sa joue peinte et flétrie. « C'est vrai, je m'ennuie. Alors, pourquoi ne vas-tu pas où l'on t'attend ?» Elle vida son verre et se leva, en rabattant sa jupe. « Ta voiture est là, et tu t'amuseras sans doute davantage avec la meute. » Et s'élançant dans les bras d'une autre fille, elle s'éloigna en tournoyant, avec un regard espiègle à Lagnard, par-dessus l'épaule de sa cavalière.